faire face aux doutes se rapportant à l'esprit, enregistrement pour le mois de juin de l'année 2022. Donc, j'ai choisi ce titre étant donné qu'en tant qu'individu, eh bien, j'ai été confronté à vivre du doute sur le plan individuel, aussi par individu interposé, par rapport à la réalité de l'existence de l'esprit, de l'occulte, du plan éthérique, du plan astral, de la programmation, et ainsi de suite. Et c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, l'esprit peut chercher à entrer en contact avec un individu, mais en même temps, l'astral en lui, c'est-à-dire la réalité énergétique qui a un différentiel par rapport à l'énergie de l'esprit, peut chercher à empêcher l'ego de prendre conscience de l'existence de l'esprit ou lui donner de l'importance ou de le prendre en considération dans sa vie. Et ça peut se faire au niveau intra-psychique, donc à l'intérieur de la psyché de l'individu, que le doute va émerger, que le doute va se présenter, mais ça peut venir aussi d'individus de l'environnement, individus interposés. Et tout individu qui se conscientise est appelé à faire face à cette réalité qui est tout à fait normale. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, ce que j'ai à dire, c'est que, et là ça va devenir particulier, c'est que l'esprit ne cherche pas à se présenter à tout le monde au même moment dans la vie de chacun. Et il y en a qui vivent ça, puis il y en a d'autres qui ne vivent pas ça, puis c'est... Ce qui est particulier, c'est que c'est au-delà de la volonté de l'ego. Donc, et là, c'est sûr que ça devient des cercles vicieux parce que l'ego, c'est pas lui qui décide de vivre une communication consciente avec l'esprit, tout au moins de l'initier. Et par la suite, il y en a d'autres qui n'ont pas à vivre ça. Et c'est sûr que si la personne ne vit pas ça, puis elle voit une autre personne qui dit vivre ça sur Internet, ben, elle peut douter de son contact avec l'esprit, parce que ça fait pas écho à un vécu qu'elle a, naturellement. Et c'est tout à fait normal, et il n'y a rien à faire par rapport à ça. Ce qui est particulier, c'est que c'est individu est appelé à vivre la fusion, il vit la fusion, puis si l'autre n'est pas appelé à vivre, l'autre n'est pas appelé à vivre. Même si la personne elle va chercher à faire des exercices de méditation, différentes choses. Si elle n'est pas programmée pour vivre ça, quand même qu'elle vivrait un paquet de méditations pour vivre un contact avec l'esprit, ou ce que certains vont dire, « Ah, je vais entrer en contact avec l'ange gardien. » Puis elle fait des méditations guidées, ça ne veut pas dire que ça va se produire. Donc, tout le monde est marqué en relation avec une programmation. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ont tombé sur mes enregistrements au fil du temps, qui sont très sceptiques par rapport à ma personne lorsque je parle d'esprit, de programmation. Pour eux autres, tout ça n'existe pas. Puis il y a des gens qui ont eu des propos très confrontants à mon égard par rapport à ça au fil des années. Et moi, la façon que je vois ça aujourd'hui en 2022, c'est que des gens qui ont à vivre ça, d'autres non. Puis c'est pas moi qui décide, là. Il y a des gens qui vont dire « Ah ben là, t'es orgueilleux, tu dis que tu vis des choses qu'il y en a d'autres qui vivent pas. » Non, moi je vis des choses dans ma vie en lien avec l'esprit que j'ai pas choisi. Donc j'ai vécu des événements choc, ainsi de suite. Des mises en contact avec des choses que ça me dit intérieurement qui sont en relation avec des événements que je vis. Mais le point que je veux faire par rapport à ça, c'est que de convaincre les gens de l'environnement, ça sert à rien. C'est une dépense inutile d'énergie. La personne a à considérer son vécu, puis par rapport aux gens qui écoutaient mes enregistrements, bien entendu, comme je l'ai fait dans plusieurs enregistrements au fil des ans, ce que je répète inlassablement, un peu à la manière d'un perroquet, croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même si c'est réel. Donc, si vous entrez en résonance avec le propos, ben ça fait écho à une réalité que vous portez déjà en vous. Si vous n'entrez pas en résonance, c'est correct aussi. Donc, c'est sûr que moi, j'expose à travers mes enregistrements certains contenus et je laisse les gens disposer en fonction de leur sensibilité ou autre. Donc, je voulais mentionner ça parce que tout ça, c'est très individuel. Et ce que je réalise avec le temps, au début, je m'étais dit, ben, à un moment donné, les scientifiques contemporains vont être capables d'amener des preuves scientifiques hors de tout doute qui vont faire consensus au sein de la population de l'existence de l'esprit. Il y aura une alliance entre la science conventionnelle et la science occulte. Mais à mesure que les années passent, je vois que ça se fait pas. Et il n'y a pas vraiment cette reconnaissance-là, mais il faut pas s'empêcher de vivre parce qu'une réalité n'est pas reconnue. Tu sais, c'est pas par exemple si tu parles avec quelqu'un que tu lui dis à partir d'un téléphone cellulaire, on peut véhiculer d'une onde d'une personne à un point A, un point B, puis il reconnaît pas ça parce que l'onde est invisible. Il va dire, ben là, si je le vois pas, c'est parce que ça existe pas. Que cette onde-là permet d'entrer en communication avec une autre à distance, sans fil, alors que la personne, par exemple, si elle a grandi avec un téléphone avec fil, tu lui dis qu'avec un téléphone sans fil, elle peut, dans le fond, relayer une onde d'un point A à un point B avec une autre personne qu'un appareil sans fil. Pour certaines personnes, ça peut apparaître comme étant de la magie, ça peut être fantaisiste, ça peut être impossible d'appréhender une telle chose. Mais c'est pas parce que la personne n'est pas capable de l'appréhender que ça veut dire que ça n'existe pas puis qu'on peut pas utiliser un téléphone. Donc, la compréhension de la mécanique, s'il n'est pas disponible à un individu par rapport à la réalité du contact entre l'être humain et l'esprit, c'est pas parce que la personne ne peut pas l'appréhender que ça n'existe pas. C'est sûr que, dans le fond, ce que je réalisais avec le temps, c'est que chaque personne a à vivre ses choses puis il y a comme rien à faire. Sauf s'occuper de soi adéquatement sur le plan individuel. Et c'est sûr que par rapport à les enregistrements que je produis, tu sais, je suis conscient qu'une certaine partie des gens qui vont tomber là-dessus vont dire, ben là, ça se peut pas que le gars, il parle de telle chose, la programmation, l'existence de l'esprit, de l'astral. Il y en a qui vont dire, ben là, il fabule. C'est votre perception. Puis si vous vivez pas ça, c'est bien correct. Puis je vous demande pas de me croire. À tous ces gens-là, ben je leur dis ça poliment. Mais ce que je dis en même temps poliment, c'est pas parce que vous ne vivez pas certaines choses que ça veut dire que ces choses-là n'existent pas pour telle autre personne. C'est pas autrement dit parce qu'une personne ne vit pas une forme de communication interne que l'autre qui vit ça, ça n'existe pas. Donc, c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, qui est pas capable d'appréhender la réalité du cellulaire, puis il est pas capable de l'utiliser, que le cellulaire n'existe pas et ne fonctionne pas pour relayer une information à une autre personne à distance sans passer par une voie physique apparente. Or, l'onde existe, mais comme on l'aperçoit pas avec les yeux, ben, elle peut être un facteur de mystification. Même chose par rapport à des ondes pensées qui sont véhiculées dans l'univers. C'est pas parce qu'on les voit pas avec nos yeux physiques que ça n'existe pas. Des fois, c'est drôle. J'ai discuté avec des gens par rapport au concept en lien avec l'instruction supramentale que la pensée vient d'ailleurs. Bon, mais c'est parce que la personne va dire, tu peux parler avec une personne, puis elle va dire, est-ce que, dans le fond, une onde qu'on voit pas qui peut être véhiculée d'un téléphone cellulaire à un autre alors qu'ils ne sont pas connectés directement avec fil, c'est possible? La personne va dire oui, oui. Ensuite, est-ce qu'on pourrait véhiculer une onde au niveau... une onde au niveau de la pensée pourrait être acheminée à deux individus simultanément à distance. La personne va dire, non, ça se peut pas, ça, cette chose de choses-là, qui pourrait donner place à une forme de phénomène psychique où deux personnes reçoivent la même pensée en même temps. Or, la première chose, oui, on peut recevoir une information en lien avec un cellulaire, sur un cellulaire où le cellulaire émet à distance, sans fil, puis l'autre, l'idée de recevoir ou d'émettre une information sans fil qui deux cerveaux physiques capteraient en même temps, par-delà les distances. Ah non, ça, la personne ne peut pas appréhender ça, mais c'est correct, la personne ne peut pas appréhender ça. Moi, j'ai pas de problème, je continue à vivre. Et le point, c'est que toute personne qui se conscientise, si elle en parle moindrement que des individus de son environnement, c'est sûr qu'elle va être confrontée à leurs doutes. Puis elle-même, elle peut vivre du doute par rapport à son expérience. Puis le doute est énergivore. Comment faire face au doute? Ben, c'est à travers, entre autres, le vécu. Faire des observations au fil du temps. Moi, je tiens un journal personnel par rapport à certains événements significatifs. Je vous donne un exemple d'événement auquel j'ai été confronté dans le passé. À un moment donné, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs... Donc, ça, c'est un des principes qui est très difficile à accepter pour plusieurs personnes parce que ça remet en question la nature du libre-arbitre du principe de « je pense, donc je suis » qui a été énoncé par Descartes, c'est-à-dire que la pensée qui est produite est en relation avec la nature même de l'individualité. Alors qu'en réalité, l'individualité est en dehors de la pensée. Et là, si l'individu ne génère pas par lui-même la pensée, c'est comme si le fondement du principe d'individualité est remis en question, se rapportant à une existence individuée. Donc, je pense, donc je suis, c'est le fait de générer des pensées qui donnent une identité à l'individu, alors que si l'individu a une identité qui est au-delà du principe d'être un générateur de pensées, mais que son identité est plutôt en relation avec une conscience qui a composé intelligemment avec la pensée qu'il capte dans le mental, c'est très différent comme vécu. Donc, une des expériences que j'ai vécues en lien avec le principe que la pensée est au-delà du plan physique, ça a été à un moment donné... Ça me dit intérieurement, « Ah, tu devrais appeler... » J'avais un ami, ça m'avait dit qui est médium. Ça m'avait dit, « Tu vas l'appeler vers 7 heures ce soir. » Et puis là, le temps passé, il était rendu 7h05. Puis là, la pensée m'est revenue comme de quoi qu'il fallait que je l'appelle à 7h. Puis là, j'étais comme en retard. Puis là, ça m'a comme créé une tension. Puis simultanément, ben, ils m'ont appelé par téléphone au même moment, puis il dit « Ah, j'ai eu la pensée forte de te contacter par téléphone par rapport à toi. » Ah, je n'avais pas dit que j'avais l'intention de l'appeler en soirée. Puis l'intention, quand que je l'étudie, ben, ça me dit intérieurement « Appelle-la à telle heure pour parler de tel sujet. » Et c'est sûr que quand que je la regarde avec un recul, ben, j'ai été amené à avoir cette idée-là. Ensuite, au moment de l'appeler, j'ai pas eu la pensée, puis par la suite, quelques instants après, c'est comme « Ah non, il fallait que je l'appelle. » C'est comme si je l'ai pensé « Ah, je suis en retard sur moi-même. » Puis après ça, ben, au même moment, il me téléphone parce que ça me crée un choc énergétique. Il capte à distance, puis il m'appelle par téléphone au même moment, alors que c'était pas prévu qu'il m'appelle à ce moment-là en particulier. Puis ça, c'était une expérience, l'une des plus significatives que j'ai vécues. J'en ai vécu d'autres aussi en lien avec de la pensée ou de la programmation. Et c'est sûr qu'au fil des ans, j'ai été confronté à vivre du doute. Pourquoi? Ben, il y a des forces astrales qui n'ont aucun intérêt qu'on reconnaisse l'existence de l'esprit, qui vont nous amener à douter. Dans certains cas, c'est sûr que de douter de l'esprit, ça part en utilité. C'est-à-dire, tant aussi longtemps qu'on vit des croyances en relation avec l'esprit, les croyances doivent être épurées par rapport à du doute. Tandis que lorsqu'on vit du savoir qui se tient sur le plan vibratoire, à ce moment-là, on n'a plus besoin de douter. Et là, le doute devient une façon de décentrer l'individu. Mais tout ça est subtil. C'est-à-dire que tant que l'individu vit une forme de naïveté à l'égard de l'esprit, ben à ce moment-là, c'est intelligent qu'il soit confronté à des gens qui doutent de lui pour l'amener à réaliser le fait qu'il y a une compréhension distorsionnée de l'esprit et qui connaissent un état d'épuration psychique. Dans le sens que si quelqu'un, par exemple, a pour croyance qu'il suffit de faire des visualisations créatrices, bénédictions ou prières pour obtenir tout ce qu'il veut, la personne, ça fonctionne pas, puis il est confronté par un autre individu de l'environnement, il dit « Ouais, t'as voulu utiliser une affirmation de pouvoir pour devenir multimillionnaire, puis t'es pas devenu ça. » C'est sûr que l'ego qui est confronté par rapport à ça, ça ne fera pas plaisir. Par contre, s'il fait preuve d'honnêteté psychique, il va être obligé de reconnaître, ben oui, j'ai demandé quelques jours d'avoir une grande quantité d'argent, je ne l'ai pas obtenu. Bon, mais s'il est transparent, il va être obligé de reconnaître ça, mais c'est pas parce qu'il n'obtient pas ça de la part de l'esprit que l'esprit n'existe pas. D'ailleurs, à mesure que l'individu se conscientise, il va réaliser que l'esprit est en relation avec un agenda évolutif par rapport à lui, et que ça peut dire intérieurement que la personne n'a pas à être multimillionnaire rapidement parce que sans ça, ça l'empêcherait de vivre sa programmation par rapport à l'esprit qui participerait en tant que trame narrative de l'amener à évoluer en tant qu'ego. Puis le but de l'esprit, c'est pas que la personne devienne facilement multimillionnaire, puis qu'elle soit paresseuse, puis elle reste chez elle à écouter des films, ou à faire des voyages de luxe, ou à collectionner des autos qui ont une très grande valeur. Mais le but de l'esprit, c'est que l'individu évolue. Et là, l'individu peut se faire confronter par quelqu'un de l'environnement en disant « Ben oui, mais si tu demandes des choses à l'esprit puis ça s'exécute pas, c'est parce que ça doit pas exister, ça doit être un fantasme de ton imagination. » Mais ça veut pas dire que pour autant que c'est un fantasme ou un délire d'une imagination débordante d'un individu, le concept de l'esprit. Et c'est sûr que le problème, façon de parler, c'est que l'esprit... De la compréhension que j'en ai au fil du temps, c'est que l'esprit, c'est ça programme, ça agit, puis c'est capricieux. Puis ça vit en fonction de son temps et non pas du plaisir de l'ego. C'est sûr que s'il suffisait de demander des choses ou même d'ordonner certaines choses à l'esprit pour les obtenir, c'est sûr que tout le monde qui le voudrait serait en parfaite santé, serait multimillionnaire et aurait... soit un compagne ou une compagnon qui serait très agréable. Il y aurait des vies faciles, finalement. Mais le but de l'esprit, c'est que l'individu évolue. Et c'est sûr que par rapport à ça, ben ça crée du doute, naturellement. Donc, les gens vont dire, « Ben là, si l'esprit ne me donne pas ce que je veux, à quoi ça me sert de m'intéresser à l'esprit? » Ben, ça peut être de composer intelligemment avec la réalité vibratoire qui se rapporte à soi pour être en plus grande adéquation en fonction de qu'est-ce qu'on a à vivre, puis de le comprendre, puis de vivre une forme de paix de l'esprit. Donc, c'est ça. Mais ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que à un moment donné, c'est ça, je rêvais en tant qu'individu qu'il y a une alliance entre la science officielle puis la science de l'esprit, qu'il y a une espèce de fusion entre les deux, puis de connaître ça de mon vivant. Ça, c'était un désir de ma personne, mais au fil du temps, ben, je réalise que ça ne s'actualise pas. Je pense à quelques années, parce que j'avais interviewé Marc Delassalle, auteur et conférencier québécois dans le domaine de la conscience. En fait, il visait à diffuser la conscience supramentale à travers ses enregistrements, ses livres. Puis à un moment donné, ben, il me dit je pourrais aller parler à des universitaires, leur présenter mes livres. Et là, ça me disait intérieurement non. Il n'a pas été de l'avant avec ça, finalement, de son vivant. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais fait de démarche avec des gens dans le domaine de la science aux universités. À mon avis, le temps n'est pas là pour ça. Puis, de chercher une reconnaissance extérieure par rapport à des autorités, ça confirme aussi que quelque part, la personne vit du doute. Moi-même, j'en ai vécu longtemps. Je cherchais des collaborations de proches ou de vidéos de scientifiques par rapport à mon vécu à l'égard de l'esprit. Et avec le temps, ben, tout est tout le temps sujet à interprétation. Fait que j'ai jamais eu de preuve hors de tout doute. Puis aussi, les scientifiques qui ont une méthode empirique, c'est-à-dire la reproductivité de certains phénomènes. Donc, s'il n'y a pas une reproductivité absolue, ils reconnaissent pas son existence. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on fait bouillir de l'eau, puis lorsque le thermomètre monte à 100 degrés Celsius, eh bien, l'eau est en ébullition. Ben là, et puis c'est un phénomène qui est reproductible, comme de voir de l'eau qui gèle à 0 degrés Celsius à cause qu'il fait froid. Ben là, les gens vont dire, ben il y a une constance derrière ça, donc on peut dire que c'est une loi scientifique que l'eau va geler, par exemple, à 0 degrés Celsius. Or, il suffit pas de fermer les yeux puis de visualiser certains endroits à distance ou quelqu'un qui a un jeu de cartes de Zener avec des formes géométriques à distance pour être capable 100% du temps d'identifier les formes qui sont présentées. Pourquoi? Ben parce que ça, c'est en relation avec les lois de l'esprit. Puis l'esprit peut, à un moment donné, laisser place à quelqu'un qui vit une expérience de voyance qui est concluante. Donc, à distance, la personne reconnaît certaines formes géométriques pour que la personne s'intéresse à l'esprit, pour le manipuler, pour l'amener à réaliser qu'il y a une réalité derrière ça. Mais ça fera pas la personne capable de deviner, lorsqu'elle le désire, les numéros gagnants à la loterie, des percevoir à distance. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'opérationnalité linéaire qui peut se faire par rapport à ça. Puis là, s'il n'y a pas d'opérationnalité, bien, c'est sûr que l'intérêt du public n'est pas là par rapport à la masse, naturellement, parce qu'il ne suffit pas de vouloir visualiser quelque chose à distance pour que ça fonctionne 100% du temps. Mais c'est pas parce que ça fonctionne pas 100% du temps qu'il n'existe pas un esprit qui est au-delà de la forme sur le plan physique qui peut donner accès à certaines informations. Et c'est là que ça devient subtil. Et c'est là que ça me fait vivre aussi des contrariétés. Parce que c'est sûr qu'en tant qu'ego, si je pourrais vivre 100% de la voyance qui fonctionne tout le temps, ben à ce moment-là, ça deviendrait intéressant pour moi. C'est sûr que à ce moment-là, au moment où je parle, je serais probablement multimillionnaire. Or, ça ne s'est pas opéré, puis c'est la même chose pour plein d'autres personnes. Donc, je suis tout le temps manipulé par des événements qui m'échappent. C'est sûr que s'il suffisait que ça fonctionne tout le temps, ça serait très facile aussi de dire, ben là, je vais donner un cours d'initiation à la voyance. Ça va durer une fin de semaine de temps. On va faire quelques exercices avec un jeu de cartes pour amener les participants à voir à distance certains éléments. Puis normalement, ben on présente certaines techniques. On dit à la personne, bon, il suffit d'entrer dans un état altéré de conscience. Là, il y a différents états, que ce soit alpha, bêta, delta. Et là, il y a un état qui se rapproche du sommeil que les gens, par exemple, vont connaître lorsqu'ils vont faire du yoga nidra. Je pense que c'est l'état delta, si je me trompe pas. En tout cas, je ne l'ai pas mémorisé, puis là, à partir de ça, on fait des exercices de voyance. Puis ça va fonctionner tout le temps. Ça serait aussi facile que ça, on donne un cours, puis là, ça fonctionne, puis là, après ça, il y a un autre cours, tout le monde, ça fonctionne, donc, puis là, ça se diffuse sur Internet, puis là, y a tout le monde actualise ça, puis il y a plein de monde qui deviennent multimillionnaires, ce qui fait en sorte que l'inflation risque d'être encore plus galopante qu'elle l'est au moment où je fais l'enregistrement. Je fais un petit peu de blague, là, parce qu'on est dans un moment où, d'une période inflationniste là, dans les différents pays occidentaux, que ce soit le Canada, la France, et ainsi de suite. Mais bon, tout ça pour dire que les lois de l'esprit, puis ce qui est contrariant, c'est que ça échappe à l'ego. Puis en tant qu'ego, au fil du temps, je suis obligé de composer avec ces réalités-là. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui vont me dire, qu'est-ce qui me dit que ce que tu parles, c'est pas du délire schizophrénique de ta part? Parce que des fois, je fais des enregistrements où je pose des questions à voix haute, puis je me réponds. Il y a des gens qui vont dire, t'hallucines, ça n'existe pas. Puis là, je peux pas dire, avec la personne, je vais te donner des preuves, parce que en tant qu'ego, un peu comme la voyance pour voir les montants d'argent, ça veut pas dire que la voyance que je vais avoir va tout le temps fonctionner, puis ça veut pas dire non plus que c'est intelligent que la personne ait accès à des preuves, parce que certaines personnes, d'avoir accès à ce type d'informations-là, ça serait prématuré. Un peu comme un enfant qu'on l'expose à certaines réalités trop jeunes, c'est pas bon, c'est malsain. Chaque personne doit vivre les choses en son temps. Par contre, si quelqu'un doit être confronté à l'occulte, que ce soit une personne en particulier ou des événements, elle va vivre des chocs de réalité. Dans le sens, elle peut percevoir des présences dans sa chambre, elle peut faire des rêves prémonitoires. Donc, la personne en rêve, ça y annonce qu'une personne de son entourage va mourir. Puis le lendemain, elle apprend que la même personne est morte. Or, ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas pensé à la personne. Fait qu'on pouvait pas dire que c'était les discussions qui ont eu cours dans les jours précédents qui ont induit cela. Mais là, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire, c'est lié au hasard, parce que dans son environnement, il n'y a pas 36 000 personnes non plus. Donc, statistiquement parlant, les personnes significatives pour elle, il y en a peut-être une dizaine. Donc, il y a peut-être une chance sur 10 en réalité qu'elle rêve dessus. Mais là, encore là, on peut tout le temps contester, on peut tout le temps argumenter, puis l'intellect va tout le temps être là, puis l'intellect de nos scientifiques cartésiens matérialistes va toujours douter de l'occulte. Et à quelque part, dans un sens, c'est bien qu'il doute de l'occulte parce que mieux vaut douter que de croire dans un état de naïveté puis de fascination qui vont amener certaines personnes à sombrer dans l'endoctrinement sectaire par rapport à certains cultes en relation avec l'occulte. Donc, ça crée un effet protecteur pour certaines personnes de croire en rien. Par contre, la personne qui croit en rien ou qui est ouverte à rien, si elle a à vivre l'occulte, elle va vivre des chocs de réalité tôt ou tard. Donc, c'est l'occulte qui va entrer dans sa vie. Donc, c'est sûr que si la personne est très fermée, puis finalement, elle se ramasse à vivre un événement choc, dans le sens que elle vit un contact avec des êtres du cosmos, ou elle se ramasse avec des marques particulières sur le corps, ou un phénomène de temps manquant, ou surtout si elle a des trucs physiques, ben là, elle va être obligée à un moment donné de reconnaître que s'il y a des traces physiques au sol ou etc., ben c'est pas juste le fruit de son imagination. Mais ce que j'invite les gens à faire par rapport à l'occulte, pour en évaluer la réalité que ça a dans leur vie, ben c'est premièrement de s'observer sur le plan psychique, puis de regarder les événements. Des fois, ce que je fais, moi, avec ma compagne, je suis confronté à certains événements, puis je lui dis, regarde, tel événement, j'hallucine pas. Puis elle est un témoin dans ma vie, dans le sens que je lui dis, ben toi, si tu regardes le ciel, tu vois la même chose que moi. Elle va me dire oui ou non. Tu sais, on peut... Là encore, là, vous voyez, c'est intéressant de le parler à voix haute, parce que dans le parler à la voix haute, il y a toujours une clarification qui se fait. Et là, ce que ça me dit intérieurement, c'est que si je cherche une corroboration avec ma compagne, mais c'est parce que quelque part, je doute moi-même. Est-ce que je vis encore une forme de doute? Oui, par rapport à certaines choses. J'ai un esprit critique par rapport à mon vécu. Et tout ce qui est... Quand on étudie un vécu, c'est très délicat parce que on peut être mystifié par rapport au vécu, puis on peut projeter des croyances par rapport à notre vécu, puis il peut avoir de l'interprétation naturellement. Et là, c'est sûr qu'on peut toujours déconstruire certaines choses à un certain niveau. Dans ma vie, quand que j'ai rencontré des gens qui sont médiums, qui ont des facultés psychiques de capter d'autres personnes... qui m'ont présenté des informations. Donc, il y a certaines informations. À un moment donné, j'avais présenté la photo de ma compagne à un individu qui est capable de faire preuve de perception à distance. Puis bon, il parle de ma compagne, certains traits psychologiques en regardant la photo. C'est sûr que si tu regardes la photo d'une personne, si la personne est plutôt extravertie ou introvertie, tu peux en avoir une certaine mesure. Tu regardes la forme du visage, etc. Mais là, la personne m'avait dit, ben regarde, ta compagne, elle aimerait voyager en Afrique. Or, elle avait pas des vêtements en lien avec l'Afrique sur la photo. Il y avait rien qui indiquait ça, là. Tu sais, c'était, elle avait pas un chandail I love Africa, là, sur elle. Non, il y avait rien qui pouvait indiquer ça. Alors que c'était vrai. Au moment où la photo avait été prise par rapport à ma compagne, elle avait de l'intérêt pour aller voyager en Afrique. En fait, elle avait une amie de l'Afrique, puis c'était sûr une curiosité de voir où ce qu'elle vit, naturellement. Finalement, elle n'a pas à l'heure actuelle voyagé en Afrique, ça remonte à plusieurs années, mais la précision de la voyance, alors que on s'entend, voyager en Afrique, ça ne s'indique pas dans le front, puis elle n'avait pas aucun artefact par rapport à ça. Il y a d'autres éléments, tu sais, si tu te regardes une photo, puis tu dis, bon, la personne... est plutôt introverti ou est plutôt gêné ou c'est une personne qui est plutôt discrète. À la limite, dans le non-verbal, tu peux laisser entrevoir certains traits. Ou même chose, la personne est extrovertie. C'est sûr, si la personne a un gros chandail avec des couleurs fluorescentes vives, même chose pour les pantalons, puis elle a un costume excentrique, mais on peut penser que, ouais, habillée comme ça, elle va chercher à avoir l'attention, puis c'est plutôt une personne qui est tournée vers l'environnement, qui va chercher à avoir l'attention des gens. Tu sais, il y a des choses qu'on peut déduire. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la voyance, il y a une partie des éléments qui peuvent être le résultat de déduction du cerveau. Mais il y a toujours une partie, à mon avis, qui peut être au-delà de ça. Et il y a des trucs aussi en termes de lecture de programmation de vie. Un événement qui m'avait marqué, quand je fais l'étude de mon vécu, c'était qu'à un moment donné, j'avais rencontré un individu qui est médium et qui m'avait fait la description de ma compagne par rapport à, par exemple, la couleur de ses yeux. Il y avait certains traits par rapport à elle. J'ai tout marqué ça sur papier. En fait, je dis sur papier, mais sur ordinateur, là, je me suis fait un fichier par rapport à l'étude de mon vécu en relation avec l'occulte. Ça m'a été prédit. Avec la date que ça avait été fait. Par la suite, j'ai rencontré ma compagne. Puis bon, on a été ensemble pendant au-dessus de 10 ans. À un moment donné, on s'est séparés, puis là, on est revenus ensemble. Donc, est-ce qu'elle a un rôle significatif dans ma vie, cette personne-là? Oui. Puis avant que ça m'avait été prédit, ben j'avais rencontré le médium, puis il avait passé une vibration Quand que je l'ai regardé, puis il m'a regardé aussi dans les yeux, il y a eu une espèce de vibration, de contact psychique qui s'est fait. C'est comme s'il y avait une information qui venait de ma structure énergétique qui était téléversée dans la sienne. Puis une certaine émotion, un peu comme une larme à l'œil par rapport à ma compagne. Donc, la façon que je vois ça, c'est que c'était marqué. Mais là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est parce que tu as rencontré quelqu'un, puis là, ça fit avec ça. » Oui, mais on peut toujours argumenter en disant que ça a été l'expérience de prédiction d'une compagne que j'ai eue qui a été la plus authentique, qui était chargée d'une vibration particulière, plus que d'autres prédictions qui m'ont pu être faites dans ma vie. Est-ce que toutes les prédictions qui m'ont été faites se sont actualisées? Bien entendu que non. Mais celle-là était un peu plus intense. C'était comme si c'était une trame de vie liée à ma programmation. Mais sinon, en lien avec des réalités occultes et la manipulation occulte, j'ai vécu différents événements. À un moment donné, je me rappelle, j'étais devant mon ordinateur et j'étais en train de lire un article. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir puis il vient me dire « Ben là, est-ce que tu as lu l'article que je t'ai acheminé qui porte sur tel sujet? » Puis là, je suis devant l'ordinateur puis là, je montre l'article que j'étais en train de lire. Puis c'était exactement l'article que la personne me parlait. J'avais même pas été voir le message par Facebook là, pour le partage de l'article. Donc, c'est sûr que j'étais très synchronisé par rapport à la personne. On s'entend tomber sur le même article la même journée, au même moment. C'est très peu probable statistiquement là, que ça soit lié au « entre guillemets » ce qu'on va appeler au hasard. Parce que là, des articles sur Internet, il y en a plein. Il y a des gens qui vont me dire « Ben là, c'est le site de Radio-Canada. Toi, tu le fréquentes régulièrement. L'autre personne aussi. » Oui. Mais sur le site de Radio-Canada, par rapport à une journée donnée, les articles, là, il y en a plusieurs. Là. Il n'y en a pas juste deux, trois là, quand même. Mais des fois, je me permets de faire l'avocat du diable pour dire « Bon, est-ce que c'est moi qui surinterprète l'événement ou il y a une réalité derrière ça? » Bien, la réalité, c'est que si l'esprit veut nous amener à lire le même article au même moment, bien, ils vont s'organiser pour créer des synchronicités par rapport à ça. Et c'est sûr que c'est à travers le vécu au fil des ans que je vis une forme de test de réalité. Mais c'est sûr que si quelqu'un me dit « Fais-moi la preuve hors de tout doute de l'existence de l'esprit », c'est impossible pour faire une telle démonstration de ma part. Mais je veux dire, c'est pas parce que ça n'existe pas. C'est parce que, à quelque part, l'esprit il n'a rien à prouver. Donc, et l'esprit manipule les gens. Et qu'est-ce qui est important pour l'esprit? Est-ce que c'est de démontrer son existence fondamentalement ou c'est d'amener des changements vibratoires au sein de certains individus? La réponse, c'est d'amener des changements vibratoires. Donc, dans certains cas, si la personne est trop spirituelle puis astralisée par le désir d'être aux commandes de l'esprit, alors que l'esprit ne cherche pas à être soumis à l'individu, surtout pas à l'astral au sein de l'individu qui peut l'amener à vouloir des choses qui ne correspondent pas à des besoins réels mais à des désirs, bien l'esprit va s'organiser puis ça ne s'actualise pas. Et il va confronter les gens à des déceptions. Tant que la personne est astralisée, bien la personne peut être déçue par l'astral parce que l'astral n'a pas la capacité de commander à la matière, n'a pas la capacité de lecture intégrale des lois de programmation de l'esprit, ce qui fait en sorte que quelqu'un peut visualiser d'aller faire un voyage dans le sud, puis d'être multimillionnaire, puis avoir plein d'argent pour avoir un voyage qui est agréable, puis que ça ne s'actualise pas. Mais il faut saturer de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine du nouvel âge, puis moi-même, pendant plusieurs années, jusqu'à tout récemment, j'ai vécu un choc de vie important là, il y a quelques semaines qui m'a amené c'est un petit peu comme le clou qui est enfoncé, la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour me déspiritualiser. Je vous explique qu'est-ce qui s'est passé brièvement. C'est que j'avais été rencontrer un ami qui est médium, qui a des facultés psychiques. Puis, on avait à regarder ensemble vibratoirement pour installer une plus grande vibration d'harmonie entre moi et une autre personne. Mais il y avait un désir de l'ego. Et ça s'est pas actualisé. Puis, la personne que je visais est en plus grande harmonie. Mais la personne m'a confronté sur plusieurs éléments. Ça m'a créé des chocs énergétiques très forts. Mais ça ne va pas en l'encontre quand je le parle, en l'encontre de l'harmonie, mais c'était une, comment qu'on appelle ça, une relation là, de non-confrontation que je voulais avec la personne. Je le voulais fortement, puis je voulais que le médium aille dans ce sens-là, puis il me supporte énergétiquement pour ça que ça s'actualise. Dans ce sens-là, parce qu'on peut bénir une situation, un individu avec un ou plusieurs personnes, puis utiliser entre autres la force de groupe pour actualiser, dans l'espoir d'actualiser certaines choses, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va s'actualiser. D'ailleurs, il y a des gens qui prient ou qui vont faire des séances collectives de méditation pour qu'il y ait la paix en Ukraine. Or, ça fait au-dessus de 100 jours que le conflit perdure. Donc, il ne suffit pas de visualiser que la paix arrive pour que la paix arrive. Par contre, ça peut être intelligent de visualiser la paix en soi pour d'installer la paix en soi à un niveau, à une échelle individuelle. Parce que là, c'est sûr que si la personne veut installer de la paix par rapport à un collectif alors qu'elle est en opposition par rapport à des lois astrales qui cherchent au contraire à installer le chaos, ben ça prend une force énergétique qui est inversement proportionnelle ou supérieure à celle du chaos. Et là, d'en venir à atteindre ça, c'est compliqué. Donc, ça, c'est un autre élément. On parle de l'occulte. Mais pour en revenir à mon expérience, par rapport à une personne que j'ai vécu de nombreux divergences ou conflits au fil du temps, je voulais que la paix s'installe. Je pouvais le visualiser intérieurement avec des méditations. Et là, je voulais demander à la personne qu'elle me supporte là-dedans, qu'elle visualise aussi, dans l'optique de générer ça. Puis finalement, ça ne s'est pas passé dans les jours qui suivent. Puis il y a eu une grande tension qui a été vécue de ma part avec l'autre personne que je visais avoir une relation plus pacifiée. Et là, par la suite, ça m'a fait réaliser les limites de ça. Puis que quelque part, il y a des lois d'énergie qui échappent à mon ego. Puis aussi de réaliser que, qu'il y ait de la tension, avec le recul, je suis obligé d'admettre que c'est intelligent que l'autre me confronte parce que dans mon ego, il y a certains éléments que je manque d'ajustement. Puis c'est sûr, ça ne me fait pas plaisir de les regarder. Comme beaucoup d'êtres humains, on a de l'orgueil à un certain niveau. Puis là, l'autre personne, elle me fait réaliser des failles que je pouvais avoir, que je ne voyais pas. Par contre, le point, c'est que par rapport à l'autre personne, je n'étais pas à l'aise dans la manière qu'elle me présente les choses. Ça ne me faisait pas plaisir. Et tout ça pour dire qu'on peut vouloir, on peut visualiser d'avoir une relation pacifiée avec une autre personne, puis c'est pas parce qu'on le demande ou même qu'on l'ordonne avec l'esprit que ça va s'actualiser. Et tout ce qui sert l'esprit pour amener l'ego à être plus transparent ou harmonisé aux lois d'énergie qui se rapportent au plan éthérique va être utilisé. Et donc, à ce niveau-là, il y a un travail vibratoire qui s'opère par rapport à tous les individus qui sont marqués pour vivre une connexion avec l'esprit, puis tout le monde va être manipulé en ce sens-là. Et même si un ego réussirait, par exemple, à gagner à la loterie, alors que c'est pas le temps pour lui, au niveau évolutif, de connaître un montant d'argent qui arrive rapidement dans ses poches, bien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, l'esprit peut créer un concours de circonstances particuliers qui va faire que la personne va tout perdre de l'argent rapidement. Dans le sens que quelqu'un gagne un gros montant d'argent, mais dans les jours qui suivent, la personne n'était pas adéquatement assurée par rapport à sa maison, puis finalement, il y a un dégât d'eau important dans la maison qui fait en sorte qu'une bonne partie de la maison, c'est une perte totale parce que le bois qui compose la maison est pourri. Donc, comme la personne n'est pas adéquatement assurée, puis elle perd un montant, tu sais, c'est comme la personne, elle gagne 100 000, mais elle perd 100 000 $ dans les jours qui suivent parce qu'il y a un dégât d'eau significatif dans sa maison. C'est comme un peu un match nul. Tu sais, quelqu'un qui va jouer au tennis, il marque un point, puis à un moment donné, l'adversaire marque un point. Fait que ça s'annule. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que si la personne n'a pas à composer avec une grande quantité d'argent, bien, ils vont créer des lois ou des situations ou des événements. En fait, je dis plus des situations, c'est pas des lois, qui vont faire qu'elle va perdre rapidement la même quantité d'argent. Ou la maison passe au feu, puis elle n'est pas assurée. Donc, tout ça pour dire qu'on est manipulé continuellement. Puis moi-même, je m'exclus pas de ça. Puis il y a sans doute beaucoup de personnes qui m'écoutent à ce stade-ci, parce que ça fait plusieurs minutes que je parle, qui ont vécu certaines choses en relation avec l'esprit, des choses occultes, mais qui peuvent pas vraiment expliquer à des gens de leur environnement immédiat parce qu'ils vivent pas des choses similaires. Donc, ça fait pas écho à une réalité. Sinon, au fil du temps, ben mon attitude est toujours la même. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit qu'il a été contacté par les extraterrestres, je peux le prendre en considération, mais ça ne veut pas dire que je vais le croire. Mais je ne vais pas nier son expérience parce que je l'ai pas. J'étais pas là pendant qu'il a vécu son contact. Tandis que des gens qui vont nier en bloc, tu sais, je pense entre autres à des sceptiques qui vont dire, ben là, moi, si j'ai pas été en contact avec les extraterrestres, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Même chose par rapport à l'esprit ou les entités ou les fantômes. Il y a des gens qui sont sceptiques, qui partent de cette prémisse-là, puis bon, ça leur appartient. Par contre, de nier l'expérience d'un autre être humain pour autant, pour moi, je trouve que c'est un manque de respect par rapport à l'être humain. Quelqu'un peut me dire qu'il fait de la lévitation. Je vais dire, OK, tu m'affirmes ça, point. Je ne vais pas dire que j'y crois ou que j'y doute. À la personne, dans le sens, à moins que la personne, j'ai à la confronter là-dessus, là. Dans le sens que si la personne est devant moi et elle dit qu'elle est en train de léviter puis elle a les deux pieds par terre, ben je vais dire, ben regarde, tes pieds sont au sol, là. Dans certains cas, oui, ça peut être pertinent que la personne soit confrontée. Par contre, je ne vois pas la pertinence de faire une attaque personnelle par rapport à une personne. Dans le sens que, ça, c'est peu importe la personne qui fait de la communication, tôt ou tard, la personne s'expose à des critiques, à des contestations, mais c'est tout le temps voir si le chapeau nous fait, à quel point la contestation est constructive. Tu sais, si quelqu'un m'écrit un message sur YouTube ou sur Facebook, bon, tes enregistrements, c'est de la merde. OK, je vois que les enregistrements ne me plaisent pas, je vais bloquer la personne, ça apporte rien de constructif. Ou la personne peut dire, ben l'esprit, ça n'existe pas, tu délires. T'es probablement un schizophrène en état de psychose au moment où tu parles. Ben, je peux te dire, c'est ta perception. Est-ce que mon état de conscience, comme quelqu'un qui vit une psychose, peut être altéré au moment où je prononce des propos dans l'optique de canaliser? La réponse, c'est oui. Par contre, ce que je peux dire par rapport à ça, parce que dans le fond, je pense entre autres aux travaux de Corinne Sombrun, entre autres par rapport à l'utilisation d'électroencéphalogramme, où il était question que les ondes du cerveau qui sont activés chez le chaman, donc quelqu'un qui vit une état d'altéré sur le plan psychique, qui peut, par exemple, être en contact avec des esprits, est similaire à celui de quelqu'un qui vit un état de schizophrénie, qui entre en psychose. Est-ce que c'est une réalité qui est possible, que c'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées? La réponse, c'est oui. Par contre, est-ce que il y a une différence entre les deux? Oui, parce que la personne qui vit un état de psychose puis elle perd contact avec la réalité, n'est pas capable de sortir par elle-même de cet état-là. C'est très différent du chaman qui va utiliser sa volonté pour mettre fin à l'état de transe, à l'état altéré sur le plan psychique, lorsqu'il veut. Tandis que l'autre, le schizophrène qui vit un état de psychose, ben il peut pas nécessairement en sortir quand il veut. Et c'est la raison pour laquelle il y en a certains qui vont être internés en institut psychiatrique pour contenir la personne. Et c'est sûr que la science, présentement, se pose la question, comment ça que le chaman peut vivre un état similaire à celui d'un schizophrène lorsqu'il est en transe, mais ou en état altéré psychique, mais pouvoir en sortir à volonté. Et c'est là que le questionnement de la science vient. Et la réponse qui me vient, ben c'est la volonté. C'est-à-dire que la personne est ouverte à vivre un contact avec des réalités occultes, donc en tant que canal, est disponible à la perception. Par contre, elle a une puissance de volonté en tant qu'ego pour être capable de fermer le canal, de mettre fin à la communication psychique, à la réception d'informations lorsqu'elle veut. Alors que l'autre, il peut pas faire ça. Parce qu'il y en a qui peuvent mettre fin au contact quand ils veulent, puis d'autres quand ils peuvent, ou qui vivent un état de possession. Qu'ils subissent malgré eux. Puis là, à ce moment-là, ben dans certains cas, il faut qu'ils prennent de la médication comme des tranquillisants pour les amener à calmer puis de sortir de l'état progressivement de psychose puis de se détendre, là. Surtout si la personne vit une grande agitation. Donc, c'est très différent par rapport au vécu. Puis c'est sûr que le concept que la pensée vient d'ailleurs, ça va être sans doute l'une des notions les plus difficiles à intégrer pour plein de personnes. Moi-même, ça fait des années que j'y résiste. Pourquoi? Ben parce que ça remet en question le fondement du libre-arbitre, ça remet en question le fondement C'est quand même pas rien là, par rapport à l'existence humaine de remettre en question l'idée que la pensée vient pas de soi, mais les observations que je fais au fil du temps vont dans ce sens-là. C'est sûr que c'est dans un sens, c'est plate, dans le sens que les événements puis les pensées, s'ils viennent pas de moi, ben moi, ce que j'ai à faire en tant qu'individu, c'est de composer intelligemment par rapport à ça. Puis, à ce moment-là, ben, tu sais, je peux pas dire, par exemple, en fonction de mon désir, bon, ben, demain, je vais avoir la pensée qui va me permettre de mettre en place une invention qui va faire en sorte que je vais avoir, par exemple, une maison qui va fonctionner à l'énergie libre ou une auto avec l'énergie libre. Je vais être capable de mettre ça en place. Non. La pensée de vouloir mettre ça en place peut me venir en tête, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir la capacité de... ou la capacité d'avoir accès au numéro de la loterie quand que je veux, ou les façons de faire de l'argent quand que je veux. Ça serait aussi facile que ça. Ben, il y a plein de monde qui vivent une forme de médialité, qui aura accès à l'information. Mais le plus contrariant et le plus frustrant par rapport à tout ça, c'est que des fois, j'ai accès à des informations que je ne veux pas sur des personnes que je ne cherche pas à avoir. Et lorsque je cherche à les avoir, des fois, je les ai pas. Ce qui fait que ça fonctionne pas toujours. Et là, ça peut être, s'il y a des gens qui ont certaines facultés médiumiques, ça peut être très frustrant. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, ça te dit intérieurement, ah, telle personne, elle a pas d'enfant ou elle a des enfants. Mais elle n'en parle pas explicitement, puis elle a pas la photo des enfants sur un t-shirt ou elle te présente pas ça de son porte-monnaie. Il y a rien d'extérieur qui indique ça. Donc, des fois, on a de l'information, ah, telle personne a deux ou a plusieurs enfants ou elle n'en a pas. Ou telle personne doit avoir tel signe astrologique. À un moment donné, je rencontrais un gars, il avait un côté artistique, s'intéressait à des questions éthiques. Ça me dit intérieurement, ah, il est du signe de la balance. Après ça, je vais vérifier que sa date de naissance. Ben oui. Des fois, ça me dit des choses, puis c'est pile. Ça correspond sans que je l'aie cherché. Puis des fois, je vais avoir des informations. Bon, par exemple, je vais avoir une information sur, je sais pas, là, par rapport à l'avenir ou des trucs de curiosité ou est-ce que la bourse va monter? Puis là, je peux vouloir avoir l'information puis ça me donnera pas nécessairement. Surtout s'ils veulent pas que je comprenne comment fonctionne la bourse puis que je devienne millionnaire avec ça. Ben ça me fait penser à quelqu'un qui disait qu'il jouait à la bourse avec la vibration, puis finalement, ben la personne n'est pas venue millionnaire. Donc, elle faisait des achats puis des ventes sur le marché boursier. Puis j'en ai connu en réalité plusieurs. Je pense à une autre personne aussi qui avait certaines facultés psychiques. Mais il y en a une qui avait l'intelligence de reconnaître que tout est marqué, puis si la personne n'a pas à vivre millionnaire, quand même qu'elle ferait de l'argent, que la bourse vont s'organiser les forces pour qu'elle perde l'argent. Donc, tout ça pour dire que les gens sont manipulés à différents niveaux. Et là, ça devient intéressant de regarder ça. Puis, en même temps, ben, quand on réalise qu'une programmation qui existe pour des raisons d'évolution et que la programmation astrale aussi va toujours, avec le temps, être neutralisée par l'esprit, à différents niveaux. C'est sûr que des fois, le temps y est plus long. Je regardais récemment un article par rapport à la situation de la femme en Afghanistan. Donc, en ce mois de juin 2022, c'est un article sur le site de Radio-Canada où il était question que finalement, les talibans qui ont dit, quand ils ont pris le contrôle lors du mois d'août 2020, par rapport à l'Afghanistan, dans le sens que les États-Unis sont partis, puis les talibans, ils ont dit « oui, oui, on va respecter la femme ». Puis les femmes vont pouvoir aller à l'école, et ainsi de suite. Il n'y aura pas de retour en arrière pour rassurer la communauté internationale. Bon, ben un an après, ben c'est le recul. C'est-à-dire que la femme est obligée de porter le voile. Ensuite, les femmes, les jeunes filles n'ont pas le droit d'aller, ils peuvent pas aller au secondaire, et ainsi de suite. Et là, j'ai posé la question intérieurement, pourquoi il en est-il ainsi? Ben, c'est la programmation mémorielle historique qui est revenue en force. C'est-à-dire que les Américains... au cours des dernières années, lorsqu'il faisait une forme d'occupation de l'Afghanistan. Ça a duré pendant plusieurs années. Ils ont voulu changer les mentalités. et amener les valeurs démocratiques américaines, d'égalité homme-femme, mais c'est pas parce qu'on cherche à introduire une autre vibration dans un milieu que l'intégration va se faire à long terme. Et là, c'est le retour à qu'est-ce qu'il y avait avant les Américains, puis finalement, ben, les Américains ont été en Afghanistan. Ils ont voulu neutraliser l'influence des talibans, mettre en place une démocratie et ils ont été confrontés à différentes attaques, à différents attentats qui ont été faits là, en Afghanistan. Et finalement, ils ont dépensé plusieurs milliards là-bas. Et comme ils voyaient qu'ils ne prenaient pas le dessus, ben, ils sont partis. Et ce qui arrive, ben, c'est le retour en arrière, avant que les Américains soient là. C'est-à-dire que les jeunes filles n'avaient pas le droit, entre autres, d'aller à l'école secondaire en fonction du cadre culturel là, qui est véhiculé par les talibans. Donc, le progrès social est retardé par rapport à tout l'attachement mémoriel du peuple afghan par rapport à des traditions très longues dans le passé. Donc, une certaine programmation culturelle par rapport à la femme. Donc, même si pendant un certain nombre d'années, l'Afghanistan, je me rappelle pas, là, c'est plus que 10 ans, là. Je me rappelle pas assez, là, honnêtement. Là, je cherche intellectuellement. Là, fait que là, c'est comme si l'information bloque, mais je pense que c'est en 2003 jusqu'en 2021. Bon, disons quasiment 20 ans. Même s'il y a eu 20 ans d'influence, c'est sûr que ça ne met pas en échec tout le conditionnement social d'un peuple qui s'appuie sur des millénaires. Donc, c'est sûr qu'un changement s'opère pas nécessairement rapidement. Puis là, il y a des forces astrales qui ont aucun intérêt à ce que la femme ait accès à l'éducation en Afghanistan. Pourquoi? Ben, pour, c'est sûr, manipuler les femmes là-bas, puis les garder dans un statut où elles sont influençables. Bon, ben, c'est sûr que il y a un retour en arrière qui s'opère, puis là, il y a certaines forces astrales qui redeviennent en puissance avant le passage des Américains. Les Américains, naturellement, sont sous influence astrale aussi à un certain niveau. Par contre, leur influence au niveau du rapport homme-femme permettait de rehausser le niveau vibratoirement, hein, que je le regarde au niveau de la vibration. Par contre, ça n'a pas perduré, parce que là, ils sont partis, puis c'était un support qu'il aurait fallu qu'il y ait à long terme, plus que pendant 20 ans, là, pour que ça puisse s'installer à long terme, qu'il y ait un changement fondamental. Mais bon, ça, c'est par rapport à eux autres. Mais tout est marqué vibratoirement, puis lorsqu'on cherche à introduire une nouvelle vibration, il y a de la résistance, puis il y a des alternances. À un moment donné, l'astral est en puissance, à un moment donné, l'esprit est en puissance. Davantage, ça peut être par rapport à un peuple, mais ça peut être par rapport aussi à certains individus au niveau psychique. Il peut y avoir une fluctuation aussi entre une période de doute de l'existence de l'esprit ou de sa capacité d'entrer en contact ou de la programmation ou du plan astral ou du plan éthérique qui est présente. À un moment donné, la personne vit une expérience significative. Elle pense à quelqu'un puis la personne lui téléphone alors que ça faisait plusieurs mois qu'il s'était pas parlé. Là, donc la personne va dire « ben là, c'est pas lié au hasard ». Fait que là, l'esprit cherche à amener à travers cet événement-là une certaine forme de certitude. Puis là, la personne, elle monte en confiance en disant « Yes, l'esprit existe. » Fait que là, je vais demander les numéros gagnants de la loterie. Puis finalement, ben la personne joue à la loterie puis elle gagne pas. Fait que là, elle vit de la déception. Fait que là, elle dit « Ouais, ça existe, mais en même temps, je peux pas demander ce que je veux en tant qu'ego. » Fait que là, la personne commence à devenir intelligente. Et là, c'est sûr, ça contrarie des gens. Il y a plein de personnes qui n'iront pas à des ateliers ou écouteront pas des enregistrements sur la conscience parce qu'ils peuvent pas contrôler l'esprit, tout simplement parce que ça déplaît à l'ego. Tandis que ça serait des activités sous le contrôle de l'ego, ça serait très différent. Probablement que les salles seraient pleines de conférences pour parler de conscience supramentale. Si on dirait aux gens, ben tu viens à notre conférence, tu vas pouvoir devenir millionnaire si tu en as envie, ensuite avoir une santé qui est parfaite, rencontrer ton âme sœur ou ton conjoint ou conjointe idéale. Si tu vends ça à quelqu'un, c'est sûr que les salles risquent de se remplir en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. Dans le domaine de la croissance personnelle, du nouvel âge, des croyances alternatives, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont véhiculé l'idée que ça peut être ainsi. Mais tôt ou tard, les gens ont envie des chocs de réalité. Moi-même, j'ai été séduit par ce type d'idée-là dans le passé, puis il a fallu que je réajuste mon tir, dans le sens que, ouais, finalement, ça arrive pas comme que je veux, puis finalement, Mais en même temps, ça me décharge d'une forme de responsabilité dans le sens que si les plans me manipulent continuellement à travers les événements, que ce soit un accident d'automobile ou autre, ben, ils ont une responsabilité derrière ça. Et ça, ça me dégage en tant qu'ego d'une forme de responsabilité. Tu sais, quelqu'un peut dire, ben, je me sens coupable parce que c'est moi qui ai mal programmé en tant que créateur de ma réalité. Mon affirmation de pouvoir comme de quoi que je suis en sécurité sur la route. Donc, quelqu'un peut dire, j'ai la volonté d'être en sécurité sur la route, qui m'arrive implicitement pas d'accident. Or, s'il arrive un accident et la personne ne l'a pas décidé d'avoir l'accident consciemment, ben, la personne peut dire, ah, ben, c'est inconsciemment que moi-même, je me suis saboté dans ma volonté, mais si la personne part du principe qu'il existe d'autres forces au-delà de la volonté, ben, là, la personne est obligée, de saturer du désir de contrôle, puis aussi de regarder que... De prier, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a plein de personnes qui vivent une situation de pauvreté abominable en lien avec l'inflation pour que ça cesse. Et si les gens n'ont pas à vivre ça, ça ne sert à rien. Donc, il y a des limites par rapport à certains comportements. Même chose pour la paix là, en Ukraine, là. À un moment donné, quelqu'un peut faire la prière pendant une journée, deux journées, puis là, quand ça fait 100 jours que la personne en fait, puis il n'y a pas de changement, est-ce que la personne peut avoir une incidence psychique? Ça me dit oui, mais à un certain niveau, mais il faut être intelligent par rapport à ça. Mais ce que ça me dit, c'est que la personne s'occupe d'abord d'elle-même, de sa vie, d'être bien dans sa peau. C'est ça qui est le plus intelligent à faire, plutôt que de chercher à sauver les gens qui pourraient être exposés à une famine en Afrique ou qui sont exposés à la guerre là, en Ukraine. Là. À moins que la personne soit mandatée par rapport à ça au niveau de l'esprit. Mais en ce qui me concerne, c'est pas le cas, puisque ça me dit, ben, c'est de m'occuper de moi d'abord, puis d'agir intelligemment en fonction des pensées les plus vibrantes que je peux capter. D'ailleurs, la capacité de perception vibratoire derrière la pensée, les scientifiques matérialistes ne peuvent pas l'expliquer par rapport à ça. Puis il y a des limites aussi à leur explication. L'origine de la pensée, ils ne peuvent pas présenter la pensée en laboratoire. À la limite, quelqu'un pourrait dire, ben, on peut détecter l'activité psychique avec un électroencéphalogramme par rapport à certaines zones du cerveau qui sont activées. Oui. On peut déduire, par exemple, un oui ou un non par rapport à quelqu'un qui est paralysé, qui sera en contact avec une interface cerveau-machine par rapport à la personne qui va utiliser sa conscience pour, par exemple, avoir une certaine activité électrique dans le cerveau. Puis à partir de ça, un peu comme un code binaire avec des 0 puis des 1, en déduire si elle va avancer, déplacer à gauche la souris ou à droite. D'ailleurs, quelqu'un peut, s'il pense déplacer la souris à gauche, activer une certaine zone de son cerveau. Puis si c'est à droite, ça peut être une autre zone. Ou si la personne pense à une émotion qui est triste, une certaine zone du cerveau. Ou si la personne pense à une émotion joyeuse, ainsi de suite. Il y a certains éléments qui sont détectables. Par contre, l'origine de la pensée, on ne l'a pas. Quand même que quelqu'un dissèque un cerveau, on peut voir des neurones, on peut voir des circuits où l'information va circuler. Mais qu'est-ce qui génère l'information qui circule à travers les réseaux neuronaux du cerveau? On ne le voit pas. À un moment donné, je m'étais intéressé aux neurosciences. Et c'est sûr que par rapport à quelqu'un qui fait l'apprentissage d'une langue ou quelqu'un qui apprend à conduire un vélo, etc., ça peut occasionner, oui, dans le cerveau, puis c'est observable, la génération de réseaux de neurones qui se construisent en relation avec la nature de l'apprentissage des nouveaux réseaux de neurones. Oui, ça peut être observable. L'impact de la pensée sur le cerveau peut être très observable, dans le sens que si la personne vit des pensées très dépressives. Donc, il y a une certaine activité. Quelqu'un qui médite, au contraire, pour vivre la paix de l'esprit, puis la personne vit un état de calme au niveau psychique, ou quelqu'un qui est un mystique, comme les religieuses, les carminides, il y a des communautés de religieuses, puis avec les études qu'a faites Mario Beauregard sur le cerveau mystique, ou ce que certaines zones peuvent être activées. Oui, ça peut être observable. La science peut appréhender au niveau intellectuel certains phénomènes, mais présentement, elle n'est pas capable, et je prédis non plus dans l'avenir, d'appréhender au niveau matérialiste, au niveau cartésien, l'origine de la pensée. Donc, l'idée que la pensée vient d'ailleurs, qui n'est pas produite par le cerveau, c'est une réalité particulière. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, quand même que je ferais 300 enregistrements à l'effet que la pensée n'origine pas du cerveau, je partagerais certains véhicules qui vont dans ce sens-là. Il y aura toujours quelqu'un qui va être capable de dire ben, tel élément, c'est toi qui interprète, qui déforme l'information, telle autre chose, c'est indémontrable, et ainsi de suite. Fait que de convaincre les gens, ça sert à rien. De se convaincre soi-même aussi, ça témoigne du doute qu'on peut vivre. Sous l'influence astrale, je peux douter de mon rapport à l'esprit, donc vivre une forme d'insécurité au niveau psychique par rapport à ma relation avec l'esprit. Puis qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte à rien au niveau créatif. Mais si on vit quelque chose, il faut composer avec. Puis moi, la réalité que je vis, ben, c'est qu'aujourd'hui, c'est intelligent de faire un enregistrement par rapport à ça. Puis quand que je suis la vibration de l'esprit, je me sens mieux dans ma peau que lorsque je suis en mode doute ou réflexion, qui est plus énergivore, ou que je travaille avec l'intellect. Quand que je parle à voix haute pour clarifier des choses, ça m'apporte une grande satisfaction personnelle. C'est sûr que je suis conscient que de parler de conscience à travers des enregistrements, ça me permettra jamais c'est peu probable que ça me permette de devenir multimillionnaire. De toute façon, si j'ai à devenir multimillionnaire, l'esprit va s'en occuper. Que ce soit à travers la réception de contributions financières ou si je reçois de l'argent en vendant des enregistrements ou d'une façon autre. Des gens qui vivent un contact avec l'esprit, puis finalement, si on a avoir de l'argent, ils connaissent l'héritage de quelqu'un. Par contre, c'est sûr que dans un sens, tout est marqué. Mais pour ne pas retarder le processus évolutif, la personne a suivi la vibration. Si la personne a la vibration de donner de l'argent, ben elle peut donner de l'argent. Là, ça fait partie d'un synchronisme de l'esprit. Mais si elle a la vibration de ne pas en donner, ben qu'elle n'en donne pas. Ou si elle a la vibration de ne pas écouter d'enregistrement, qu'elle n'en écoute pas, et ainsi de suite. Mais tu sais, il y a des réalités énergétiques dans le sens qu'on peut avoir des préconitions, des pressentiments. À un moment donné, ça me dit intérieurement, telle personne, tu y parles pas parce que tu vas perdre ton énergie. J'écoute pas, je parle pareil, je suis curieux. Finalement, ben je perds mon énergie. À un moment donné, une deuxième fois, ça me fait la même chose. Une troisième fois. Puis là, des fois, je peux paraître bête. Il y a une personne sur Facebook qui voulait entrer en communication avec moi il y a plusieurs jours. J'ai dit à la personne, j'ai pas la vibration pour entrer en contact avec toi. Puis là, la personne a dit, ben c'est ça. Tu fais des enregistrements, tu t'écoutes parler, puis tu n'as pas vraiment une volonté de contact avec le public. La personne peut me dire ça. Et c'est pas parce que j'ai pas la vibration d'entrer en contact avec une personne que je veux pas être en contact avec tout le monde, là. Il y a des nuances à faire. Puis moi, je suis obligé de suivre des lois d'énergie qui sont intransigeantes. Et si la personne ne comprend pas que je suis ces lois-là parce qu'elle ne vit pas ça, ben c'est sûr que la personne va dire, ben là, toi, t'es orgueilleux, tu me snobes. Et ainsi de suite. Elle va interpréter ce que je dis d'une certaine façon. Puis c'est normal. Moi-même, si j'étais à sa place, j'interpréterais aussi. Fait que vivre le contact en relation avec ce qu'on va appeler sa voix intérieure ou l'esprit, c'est très difficile parce que il y a plein de monde qui ne vivent pas ça. Fait que là, la personne ne te comprend pas. Si la personne ne te comprend pas, ben elle va tout interpréter ou réfléchir ce que tu dis. Puis elle va dire que c'est toi qui ne comprend pas. Mais est-ce que je comprends pleinement l'autre? La réponse, c'est non. Dans plusieurs cas, j'ai pas une transparence absolue de l'ego qui me permet de m'appréhender d'une manière totalement transparente ou transparente l'autre. Fait qu'il y a toujours une part d'incompréhension. Par rapport à Marc de la Salle, que j'ai quand même interviewé là, sur une période de 9 ans, est-ce que j'ai réussi à le comprendre de mon vivant, même si j'ai fait une grande quantité d'enregistrements, que vous pouvez d'ailleurs retrouver avec lui sur YouTube? Lui a consacré une grande partie de sa vie à diffuser de la conscience. Est-ce que je le comprenais vraiment de son vivant? La réponse, c'est non. Est-ce qu'aujourd'hui, je le comprends plus? La réponse, c'est oui. Mais est-ce que je le comprends totalement? La réponse, c'est non. Pourquoi? Ben, parce que tant aussi longtemps que je réfléchis ou que je peux vivre du doute ou que mon ego n'est pas totalement transparent, il y a des choses qui me sont voilées. Il y a des choses que je ne vois pas. Il y a des choses que je ne perçois pas à la fois chez moi et chez autrui. C'est ainsi. Est-ce que Marc a souffert de l'incompréhension que je pouvais avoir par rapport à sa personne? À un certain niveau, oui. Par contre, est-ce que ça faisait partie quelque part de son expérience d'être exposé à ça? Ben, je suis obligé de répondre que oui. Donc, il avait à collaborer avec moi pour faire des enregistrements. Donc, c'est sûr que quand on collabore avec une personne, ça se peut que la personne ne soit pas totalement ajustée à soi ou elle soit totalement parfaite, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, il ne faut pas s'empêcher de vivre. T'sais, c'est comme moi avec ma relation avec ma compagne. Est-ce que ma compagne est parfaite? La réponse, c'est non. Mais est-ce que moi, je suis parfait? La réponse, c'est non non plus. On a à s'ajuster à l'autre personne. Par contre, on peut avoir à s'ajuster à un certain niveau. On peut faire des compromis, mais en autant que ce ne soit pas compromettant. Dans le sens que si l'essentiel du temps qu'on passe avec une personne, ça représente plus de la perte d'énergie dans le fond, dilapide nos énergies vitales, à un moment donné, ben il faut que ça cesse parce que c'est trop énergivore. On se fait littéralement vampiriser par l'astral. Donc, par contre, est-ce que de se faire vampiriser un peu par l'astral avec quelqu'un, si ça amène la vibration plus loin en termes d'ajustement de l'ego et de descente d'énergie, c'est intelligent dans le sens que de collaborer avec une personne, si on est mis en vibration avec elle, même si c'est pas totalement ajusté, si ça nous amène plus loin dans la compréhension du réel, est-ce que c'est intelligent? La réponse, c'est oui. Mais c'est à la personne de savoir. C'est sûr que dans le passé, j'ai été manipulé dans l'affaire de faire plaisir à autrui. Tu sais, quelqu'un me demande de lui parler pour lui faire plaisir. Même si ça me dit non intérieurement, je vois de l'avant pareil, puis là, finalement, ben c'est une perte d'énergie. Fait que là après ça, je me dis, ben là, je vais être moins naïf, je vais être plus à l'écoute de la vibration que j'ai. Puis là, ensuite, c'est encore la même affaire. Puis là, après ça, je dis non. Puis bon, admettons, la personne accepte, OK, t'as pas la vibration de me parler, la personne passe à autre chose, mais je peux être testé aussi dans le sens que la personne me dit, ben là, si tu veux pas me parler, c'est comme t'es pas fin, t'es pas gentil. Puis là, on essaie de me faire sentir coupable ou pas correct. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut que je vois derrière ça, c'est un jeu de manipulation. C'est-à-dire, on cherche à me décentrer d'une position liée à l'esprit. Pourquoi que l'astral pourrait chercher à faire ça? Ben, c'est de me détourner psychiquement de mon propre esprit pour m'orienter vers la vibration plus spirituelle d'une autre personne. Si la personne est bien intentionnée spirituellement, puis elle vise à communiquer avec moi en disant, ben là, c'est important que tu travailles pour le collectif. C'est important que tu présentes des solutions pour pour sauver l'humanité, et ainsi de suite, parce que la personne inconsciemment est dans une situation de jouer au sauveur, puis elle veut t'amener dans sur ce terrain-là. Donc, puis elle veut bien faire sincèrement, mais pas consciente qu'elle est manipulée pour jouer au sauveur. Au niveau de l'esprit, puis ça c'est très dur, hein, c'est que l'esprit cherche pas à sauver l'humanité, il cherche à ce que les gens évoluent, ce qui est très différent. Donc, le sauveur spirituel, ce qu'il cherche, c'est que tout le monde soit confortable, tout le monde ait de l'argent, tout le monde ait à manger quand il veut. Tandis que l'esprit, il trouve que c'est plus intelligent qu'il y ait une situation d'inflation, puis plein de monde perde de l'argent pour qu'il y ait l'essentiel ou qu'il s'intériorise davantage. Même chose pour des confinements. Si l'esprit trouve intéressant qu'il y ait un autre confinement à l'automne, ben il va créer un concours de circonstances pour que ça se produise. C'est sûr que le confinement aussi peut être généré par l'astral, parce que l'astral puis le plan éthérique vont manipuler les gens à travers des événements pour différentes raisons. L'astral cherche à manipuler les gens pour les contrôler. Donc, si on cherche à amener les gens à être contrôlés en respectant des mesures de confinement très strictes, c'est quelque chose. Par contre, si l'esprit trouve ça intéressant que la personne soit en confinement parce que ça l'amène à s'intérioriser davantage parce qu'elle peut pas sortir chez elle ou elle doit éviter tout contact avec les gens, ben, t'es obligé davantage de se regarder le nombril, comme on dit. Aller voir plus clair à l'intérieur d'elle-même. Donc, tout peut être utilisé par l'astral ou l'esprit, puis une même chose, comme l'argent, peut être utilisé par l'une ou l'autre de ses forces. Mais c'est à l'individu d'avoir l'intelligence, de savoir c'est quand que c'est intelligent, par exemple, d'utiliser l'argent pour acheter des produits, puis quand que ça ne l'est pas. C'est quand que c'est intelligent d'épargner, c'est quand c'est intelligent de dépenser, ainsi de suite. C'est comme ouvrir puis fermer le contact. Même chose par rapport aux gens de l'environnement. Ça peut être intelligent que je sois en contact avec une personne, même si elle m'écrit un message avec plein de fautes. Donc, si je sens que la vibration est là puis ça me dit d'entrer, de lui parler, bon, mais j'ai à suivre le courant. Si je le fais pas, ben à quelque part, mon comportement est retardataire, tandis que l'autre, elle s'écrit très bien, a des très beaux messages, très mielleux, puis elle dit « Ah, que vous êtes... » Tu sais, c'est quasiment vous dire « Ah, vous êtes pauvre, vous êtes fin, c'est intéressant ce que vous dites. » Dans une perspective quasiment de séduction, de plaire, en disant « Ah, et que t'es intelligent, gna gna gna. » Si c'est pas intelligent pour moi d'entrer en contact avec elle, j'ai à dire non. C'est ainsi de suite. Mais de tenir à ça pour éviter des pertes d'énergie. Pourquoi? Ben, parce que si on perd nos énergies, on ne peut pas les utiliser créativement à autre chose. Et le temps de l'existence sur Terre est limité. Et l'esprit cherche à actualiser une programmation, puis l'astral, tout faire pour retarder la programmation, pour maintenir dans un état de puissance la psyché de l'individu. Fait qu'une fois complété l'enregistrement d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr que dans les prochains jours, il va sans doute des gens qui vont dire « Ben là, ce que tu dis, ça tient pas la route. » J'ai eu plein de messages au fil du temps. Il y a des gens qui vont me dire « Ah, tes enregistrements, c'est pas aussi intelligent que ce que fait Bernard de Montréal. » Ou « T'es pas aussi bon que Bernard de Montréal. » Ou je vais avoir des critiques. J'en ai eu plein. Puis il y a des gens qui vont me comparer à Bernard. Puis ils vont me dire « Ben, c'est pas aussi vibratoire. T'es pas aussi conscient que lui. » OK? Mais ça me fait rire parce qu'il y a une personne qui m'a contesté en disant « Ton contact avec l'esprit n'est pas réel, tu fabules, ainsi de suite, t'es mystifié. » La personne, à un moment donné, je l'ai barré. Là, elle utilise après ça un autre pseudonyme, elle me confronte, puis elle fait des attaques personnelles aussi. Tu sais, la personne peut dire « Tel propos n'est pas ajusté. » OK, au niveau de la forme, au niveau du contenu. Mais là, si la personne a dit « Elle m'attaque personnellement ou autre. » En tout cas, il y a une personne, elle m'a beaucoup confronté. Elle me dit « Ce que tu dis, c'est pas réel. » Puis elle ne m'amenait pas nécessairement de points. Ou elle m'amène des points, mais elle cherche à quelque part à me discréditer. Ensuite, elle réapparaît sous l'autre forme d'un autre pseudonyme. Là, ça, je me rends compte qu'en réalité, c'est la même personne qui me conteste. Puis, elle écoute toujours mes enregistrements. Donc, puis ça, je fais une lecture par rapport à elle. C'est parce qu'à quelque part, elle trouve ça intéressant. Mais la personne, elle me dit, moi, la seule personne qui parle de conscience supramentale que je reconnais comme étant légitime, c'est Bernard de Montréal. Toutes les autres, c'est juste du copier-coller. C'est juste des gens un peu comme des sosies d'Elvis qui font de l'imitation. Or, moi, la perspective que j'ai par rapport à ça, c'est que oui, Bernard de Montréal a initié le mouvement, entre autres au Québec, par rapport à des lois vibratoires, mais les lois vibratoires existent en dehors de Bernard de Montréal. C'est juste que lui, il y avait une précision au niveau du verbe pour les intercepter, une très grande sensibilité pour les capter, et ainsi de suite. C'est sûr qu'il y avait un taux vibratoire très élevé, mais c'est pas parce que lui a vécu ça que les autres qui parlent des mêmes concepts, c'est juste du copier-coller. Le principe que la pensée n'origine pas de l'individu, pas parce que lui, il amène ça sur la place publique, place publique façon de parler, là, dans le domaine du milieu du nouvel âge ou de l'ésotérisme, que toutes les autres personnes qui reprennent le même concept, que c'est du copier-coller. Et si c'est une réalité, comme par exemple la température de l'eau entre en ébullition à 100 degrés Celsius, ou la loi de la gravité de Newton, donc la plus petite masse est attirée par la plus grosse masse, que ce soit Newton qui amène ça ou une autre personne, le principe demeure pareil. C'est juste que c'est peut-être lui qui a passé à l'histoire pour avoir amené la loi de la gravité universelle ou on prend le principe de la relativité d'Einstein, bon, ben, on met un nom par rapport à un principe, par rapport à quelqu'un qui l'a amené, mais c'est pas parce que d'autres personnes parlent de ça que c'est des copier-coller. Il y a des perceptions liées à ça. C'est juste que la personne reçoit une pomme sur la tête, que ce soit Newton ou une autre personne, la réalité de la loi de la gravité où la plus petite masse, c'est-à-dire la pomme, est attirée vers le sol, la Terre étant la plus grande masse. C'est une réalité qui est là, de nature universelle. C'est la même chose par rapport aux lois vibratoires auxquelles faisait référence Bernard de Montréal. Mais là, ce qui me faisait rire par rapport à la personne qui me dit « Ouais, moi je reconnais juste Bernard, ce que tu fais, c'est comme de la merde, OK? » La personne, je la bloque, ensuite elle revient. Puis après ça, je suis encore obligé de la bloquer, puis là, probablement qu'elle m'écoute encore. Parce qu'elle fait plein de commentaires, puis elle m'écoute d'une manière plus assidue que ma compagne. C'est sûr, ça, c'est un aspect que je trouve intéressant de ma relation de couple. Ma compagne, par rapport à ce que je fais, elle dit « OK, tu fais des enregistrements. » Des fois, elle peut écouter 5 minutes, mais elle est détachée par rapport à moi. Tandis que l'autre, elle m'envoyait régulièrement des messages, puis il y a comme une grande assiduité. Tu sais, si quelque chose n'est pas réel, pourquoi que si elle m'écoute, dans le fond, je poserai la question, pourquoi tu passes autant d'énergie par rapport à ça? C'est C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui est réel pour toi là-dedans ou quelque chose qui te dérange. Parce que s'il n'y aurait aucune réalité par rapport à ça, tu n'écouterais pas ça. C'est comme quelqu'un qui dit les extraterrestres n'existent pas, et ainsi de suite. Mais la personne, tu sous-questionnes pourquoi tu dis que ça n'existe pas. Puis là, tu vois que la personne a peur. Puis en réalité, derrière ça, c'est qu'elle a déjà vécu quelque chose, mais elle ne veut pas se l'avouer. Fait que non, non, ça n'existe pas, c'est de la fabulation. Mais c'est parce que, tu sais, quelqu'un peut dire « Ah, ce que tu fais, ça n'existe pas, ça n'a aucune réalité, t'es probablement schizophrène, tu délais, OK? » Mais pourquoi que la personne m'écoute avec autant d'assiduité? C'est parce que quelque part, ça fait écho à une forme de réalité qu'elle porte en elle ou ça fait sens pour elle, à moins qu'elle ait du temps à perdre. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en réalité, la personne reconnaît que quelque part, dans ce que je fais dans les enregistrements, je véhicule une vibration, mais à quelque part, elle reconnaît ça, mais elle ne veut pas totalement le reconnaître. Tu sais, c'est comme, ça me faisait penser à un moment donné, j'écoutais par rapport à Marc Delassalle, bien entendu, au fil du temps, puis j'ai fait plein d'enregistrements avec lui, j'ai eu plein de désaccords avec lui, divergences. Puis des fois, il me contrariait parce qu'il me faisait réaliser, ah, tel propos, il y a de l'astral là-dedans. Puis là, ça me faisait pas plaisir. Puis là, tu sais, des fois, je voulais pas nécessairement voir ce qu'il me montrait à l'écran au fil des entrevues que j'ai faites avec lui, puis avec les années. Dans le fond, j'ai réécouté des enregistrements, puis j'ai dit, ouais, c'est vrai, à telle place, je manquais d'ajustement avec le recul d'année. Fait que, à quelque part, ça ne me fait pas mon affaire, mais comme sur le plan vibratoire, il n'y a pas 36 000 personnes qui véhiculent une vibration, ben je compose avec ces enregistrements. Même chose par rapport à certains enregistrements que j'ai fait avec Berthold. Il y a certaines choses que, ah, ouais, il a dit ça, mais je suis obligé de le considérer. Mais là, j'ai l'impression que la personne qu'elle a changé deux fois pseudonyme, elle écoute ça, c'est parce qu'à quelque part, elle est obligée de reconnaître que ouais, telle chose, c'est plus ajusté, ou elle trouve ça plus stimulant d'écouter mes enregistrements que d'écouter des médiums qui parlent du nouvel âge. Donc, c'est peut-être plus proche vibratoirement d'elle, même si ma personne ou la forme de l'enregistrement ne fait pas son affaire. C'est un petit peu comme les enregistrements de Bernard de Montréal ou de Marc Delassalle. Il y a plein de choses là-dedans qui n'ont pas fait mon affaire. Et qui font plus ou moins encore mon affaire quand je les ai réfléchis en tant qu'ego. Mais je prends ça pareil en considération parce que ça m'amène plus loin dans la compréhension du réel. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui est vibratoire ne fait pas nécessairement l'affaire de l'ego tant aussi longtemps qu'il y a des voiles, tant aussi longtemps qu'il peut réfléchir, qu'il peut douter, puis l'astral va tout faire pour que l'ego soit déconnecté de l'esprit. Pourquoi? Ben, pour maintenir son emprise sur lui. Et c'est sûr que parler de réalité du plan astral avec des entités qui cherchent à vampiriser l'énergie des vivants, quelqu'un qui est athée va dire, ben là, c'est de l'ordre du mythe, de la croyance, de la superstition, et ainsi de suite. Ben, d'ailleurs, c'est la raison, entre autres, laquelle que de l'incompréhension par rapport à toute la communauté scientifique, que ce soit les psychologues, les psychiatres, vont dire, non, non, les choses de même, ça n'existe pas. L'existence des démons, l'existence des entités maléfiques, vont dire non, ça c'est de la fabulation de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Là, ils vont tous mettre ça dans une boîte et vont tous te dire, ah, non, ça c'est hallucination, il n'y a aucune réalité derrière ça. Par contre, le point, c'est que lorsque la personne œuvre dans le domaine de la santé mentale, si elle-même, elle vit une forme de communication interne, puis il y avait des phénomènes psychiques, ben, elle est obligée de reconnaître sur une base individuelle qu'il y a une certaine réalité derrière ça. D'ailleurs, par rapport à la conscience supramentale, j'ai entré en contact avec des gens quand même qui sont instruits, dans le sens quelqu'un qui a une formation en médecine, l'autre en psychologie, puis qui ont vécu une forme de contact psychique. Donc là, à ce moment-là... C'est sûr, les gens vont dire, ah ben, il y en a tout le temps dans l'eau des pommes pourrites, hein? Il peut y avoir des gens qui sont eux-mêmes atteints de schizophrénie, puis s'en rendent pas compte, puis qu'ils ont comme travail d'interagir avec des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale. Ben oui, c'est possible. Il y a toujours des contre-arguments. C'est sûr que je pourrais passer les prochaines journées, les prochains mois, les prochaines années à faire face à toute forme de contre-arguments, mais en même temps, si j'ai pas la vibration pour ça, c'est une perte d'énergie. Mais fondamentalement, ce que j'ai à faire, puis c'est peut-être le cas de certaines personnes qui m'écoutent, c'est d'être capable de composer intelligemment en fonction de tout doute qui peut émerger dans ma conscience par rapport à la nature de la réalité de mon contact avec l'esprit. C'est sûr, c'est important de ne pas croire tout ce qui est dit dans des enregistrements ou tout ce qui est perçu au niveau de la pensée. L'esprit peut nous tester. D'où l'importance d'avoir tout le temps un esprit critique, mais en même temps de reconnaître qu'est-ce qui est là. T'sais, de reconnaître certains événements, c'est assez spécial. Hein? Par exemple, quelqu'un dans l'environnement qu'on entend parler, « Ah, la personne, ça fait plusieurs mois qu'elle cherche du travail, puis d'un coup, ah, la même journée ou à quelques heures d'intervalle, elle reçoit plein d'offres d'emploi. » Puis c'est le silence radio pendant une longue période de temps. T'sais, ça nous fait réaliser ce type d'événement-là, que c'est comme c'est marqué qu'à un moment donné, la personne a obtenu un travail ou rencontré un conjoint ou ainsi de suite. Quand on réalise que la réalité est marquée, il ne reste plus qu'à composer avec la réalité en n'étant pas stressé, en vivant pas d'anxiété ou d'insécurité, et en réalisant que toute la programmation cherche à concourir à l'évolution de notre ego ou d'autres égos, tout simplement, puis d'être dans la paix mentale. De toute façon, ça ne sert à rien de vibrer émotivement par rapport à des choses qu'on ne peut pas changer pour des raisons de programmation. C'est une perte d'énergie. Donc, on vit ce qu'on a à vivre. Là, moi, ce que je vis présentement, c'est de parler, de faire un enregistrement. C'est sûr que là, je vois que l'enregistrement, il prend plus qu'une heure, donc ça dure longtemps. Pourquoi que je fais ça? Ben, c'est une auto-ajustement que je fais. Puis tout le monde qui écoute l'enregistrement peut être tôt ou tard être confronté au doute de leur relation avec l'esprit, s'il y en avait une consciemment, par différentes personnes. Puis probablement que dans les prochains jours, il y aura peut-être des gens que j'aurai à bloquer, puis ça arrive une fois de temps en temps. Les gens vont dire, ben là, tes enregistrements, c'est de la merde, c'est pas aussi bon que Bernard de Montréal, tu vis pas un contact, en réalité, t'es un schizophrène qui t'ignore, puis plein de choses comme ça. Puis avec le temps, ben je m'habitue par rapport au fait que il y aura toujours une contestation de l'environnement à l'égard de qu'est-ce qui peut être dit. Puis les gens, ben, je les ramène eux-mêmes. OK, ta perception, c'est que telle chose qui est dite n'est pas réelle ou que je ne suis pas réel. Bon, ben, si c'est pas réel, arrête d'écouter mes enregistrements. Mais il y en a une qui, en réalité, comme j'expliquais, elle m'a écrit des gros messages par différentes façons. Puis là, probablement qu'elle m'écoute encore. Puis peut-être, à un moment donné, elle va changer de pseudonyme. Puis elle va revenir à charge. Puis elle va essayer de me discréditer. Puis, tu sais, ça fait partie de la vie. Puis elle... Elle aura étudié cette personne-là, qu'est-ce que ça y sert de faire ça? Parce que, à quelque part, en fonction de quelle force qu'elle agit, tu sais, quelqu'un qui est occupé à écouter les enregistrements d'un autre, si la personne pense sincèrement que c'est pas réel, c'est pas intelligent, il est mieux de s'occuper d'elle-même ou écouter le hockey à TV. Tu sais, mais c'est parce qu'à quelque part, ça lui donne quelque chose, ou elle reconnaît qu'une réalité derrière ça, malgré qu'est-ce qu'elle dit, parce que sans ça, elle passerait pas autant de temps que ça. Vous comprenez? Donc, chaque personne a observé des choses dans sa vie, puis en faire l'étude. Puis moi, j'ai étudié ma propre vie, puis c'est quoi le fondamental, c'est d'être à l'aise par rapport à ma réalité, ma conscience, puis qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie. Juste si j'ai à faire des enregistrements, puis j'ai la vibration pour ça, je le fais. C'est sûr que le doute interne ou externe peut m'amener à douter de la légitimité que je peux avoir à faire des enregistrements, à savoir, ah, c'est-tu réel ce que je dis, ou c'est-tu ci, ou c'est-tu ça, c'est-tu intelligent, c'est-tu aussi bon que Bernard de Montréal, c'est-tu aussi bon que tel autre médium, c'est-tu ci, c'est-tu nénè. Non. On peut être manipulé de toute façon pour nous faire taire. Et c'est sûr que Bernard, à un moment donné, a amené une instruction sur Terre. Ensuite, il y a d'autres personnes qui veulent amener une instruction qui va dans le même sens. Puis là, on peut chercher à les discréditer. Pourquoi? Ben, pour éteindre la diffusion de l'instruction à l'échelle internationale, pour délégitimiser les individus qui chercheraient à parler dans une certaine façon qui dérange l'astral. Et l'astral n'a aucun intérêt à ce que l'instruction supramentale soit reconduite à la surface du globe, parce que lorsque ça, advenant que ça arrive... c'est la perte de puissance de l'astral qui peut manipuler les gens d'une manière subtile à travers le phénomène de la pensée réflexive. Donc, à ce moment-là, si eux autres ils perdent l'emprise sur les êtres humains, ben ils contrôlent plus. S'ils contrôlent plus, ils sont plus à puissance. Ils peuvent plus s'alimenter des énergies des êtres humains, tels des vampires. Donc, tout ça pour dire, c'est que tant qu'il y aura de l'astral sur Terre, il y aura de l'opposition à l'individu qui osera à parler vibratoirement. Puis ça va être jusqu'à temps, aussi longtemps que le plan astral ne sera pas totalement dilué, ce qui va arriver sur une longue période de temps. Ça va être très, très, très, très long. Mais ça regarde le collectif. Moi, en tant qu'ego, ce que j'ai à regarder, c'est d'être bien dans ma peau. C'est sûr que dans mon environnement immédiat ou numérique, à travers les contacts que j'ai avec des gens par courriel ou par Facebook, il y aura toujours des gens qui vivront pas ce que je vis, puis chaque expérience d'individu est unique, puis c'est ainsi. Il faut composer avec ça. Bon, là, c'est vrai, je vais arrêter de parler. Je vous remercie de votre écoute. Et la façon fondamentale de faire face aux doutes se rapportant à l'esprit, c'est de montrer en puissance vibratoire, tout simplement. Donc, en puissance de contestation du doute pour accéder au réel qui est sur le plan vibratoire. C'est tout. Bye. Au revoir.